L'épicier à l'épicière, le boucher à la bouchère, le notaire à sa moitié. Quand désire les aiguillonnes, disent doucement bobonne, veux-tu au son du trombone, que l'on aille tourbillonner. Et le soir, sans plus de mal, on les voit danser au bar. La java des prolétaires, à petit pas, la celle qui ne fait pas de manière. Pas de tralala, les épates et les pompes, on s'en fout quand on se trompe, un pas de loin, un plus loin, ça se rattrape comme un rien. C'est pas pour les milliardaires, les enrichis, ça fait pas mais les mouquères, les affranchis. De tous les bostons, de charleston, de toutes les polkas et les mazurkas, la danse que l'on préfère. Hey, I'm